Je veux vivre auprès de toi, voir la vie à travers toi, faire de cet instant d'amour un toujours. Je veux vivre auprès de toi. De mes propres mains, la maison où je vivrai près de toi, et je planterai les fleurs du jardin que tu choisiras. Je te protégerai du vent, de la pluie, je te ferai un rempart de mes bras, j'éloignerai les jaloux, les méchants, loin de toi et moi. Je veux vivre auprès de toi, voir la vie à travers toi, faire de cet instant d'amour un toujours. Je veux vivre auprès de toi. Mais nous saurons bien éviter ces mille pièges en chemin. Allez, viens, ne tarde pas plus longtemps, donne-moi ta main. Je veux vivre auprès de toi, voir la vie à travers toi. Encore à moi, au dernier.